Chapitre 47e, la place de grève. Ces deux heures avaient été bien employées. Derrière le rapporteur, deux hommes étaient entrés, à la figure sombre, au costume patibulaire. Favras avait compris qu'il avait affaire au précurseur de la mort, à l'avant-garde du bourreau. « Suivez-moi, » avait dit un de ces hommes. Favras s'était incliné en signe d'assentiment. Puis, montrant de la main le reste de ses vêtements qui attendaient sur une chaise, « Me donnez-vous le temps de m'habiller ? » demanda-t-il. « Prenez-le, » dit un des hommes. Favras, alors, s'avança vers la table où étaient étalées les différentes pièces de son nécessaire, et à l'aide de la petite glace qui ornait la muraille, il boutonna le col de sa chemise, fit prendre un pli convenable à son jabot et donna le tour le plus aristocratique qu'il put au nœud de sa cravate. Puis il passa sa veste et son habit. « Dois-je prendre mon chapeau, messieurs ?» demanda le prisonnier. « C'est inutile, » répondit le même homme qui avait déjà parlé. Celui des deux qui s'était tu avait regardé Favras avec une fixité qui avait attiré l'attention du marquis. Il lui semblait même que cet homme lui avait fait de l'œil un signe imperceptible. Mais ce signe avait été si rapide que M. de Favras était resté dans le doute. D'ailleurs, qu'avait à lui dire cet homme ? Il ne s'en occupa pas davantage, et faisant de la main au guichetier Louis un geste amical, « C'est bien, messieurs, marchez devant, je vous suis. » À la porte attendait un huissier. L'huissier marcha le premier, puis Favras. Puis vinrent les deux hommes funèbres. Le sinistre cortège se dirigea vers le rez-de-chaussée. Entre les deux guichets, un peloton de garde nationale attendait. Alors l'huissier, se sentant soutenu, « Monsieur, dit-il au condamné, remettez-moi votre croix de Saint-Louis. Je croyais être condamné à la mort et non à la dégradation, dit Favras. C'est l'ordre, monsieur, répondit l'huissier. Favras détacha sa croix, et ne voulant pas la remettre à cet homme de justice, il la déposa entre les mains du sergent-major qui commandait le peloton de garde nationale. C'est bien, dit l'huissier sans insister autrement pour que la croix lui fût personnellement remise. Maintenant, suivez-moi. On remonta une vingtaine de marches et l'on s'arrêta devant une porte de chêne toute bardée de fer. Une de ces portes qui font, lorsqu'ils les regardent, froid jusqu'au fond des veines des condamnés. Une de ces portes, comme il y en a deux ou trois sur le chemin du sépulcre, derrière lesquelles, sans savoir quelle chose vous attend, on devine que c'est une chose terrible. La porte s'ouvrit. On ne laissa pas même à Favras le temps d'entrer où on le poussa. Puis la porte se referma soudain, comme sous l'impulsion d'un bras de fer. Favras se trouva dans la chambre de la torture. « Ah ! Messieurs, dit-il en pâlissant légèrement, quand on conduit les gens dans ces endroits-là, que diable, on les prévient ! » Il n'avait pas achevé ces mots que les deux hommes qui le suivaient se jetèrent sur lui, lui arrachèrent son habit et son gilet, dénouèrent sa cravate si artistement mise, et lui lirent les mains derrière le dos. Seulement, en remplissant son office de compte admis avec son camarade, le tortureur qu'il avait cru voir lui faire un signe murmura tout bas à son oreille « Voulez-vous être sauvé ? Il est temps encore !» Cette offre ramena le sourire sur les lèvres de Favras en lui rappelant la grandeur de sa mission. Il secoua doucement et négativement la tête. Un chevalet était là, tout près. On étendit le condamné sur ce chevalet. Le tortureur s'approcha avec des coins de chaîne plein son tablier et maille de fer à la main. Favras tendit de lui-même à cet homme sa jambe fine chaussée de son soulier à talons rouges et son bas de soie. Mais alors le huissier leva la main. « Cela suffit, » dit-il, « la cour fait grâce au condamné de la torture. »« Ah, » dit Favras, « il paraît que la cour a peur que je ne parle. Je ne l'en remercie pas moins. Je marcherai à la potence sur de bonnes jambes, ce qui est quelque chose. » « Et maintenant, messieurs, vous savez que je suis à votre disposition. »« Vous devez passer une heure dans cette salle, » répondit l'huissier. « Ce n'est pas récréatif, mais c'est curieux, » dit Favras. Et il commença à faire le tour de la salle, examinant les uns après les autres tous ces hideux instruments, semblables à de colossales araignées de fer, à de gigantesques scorpions. On sentait qu'à un moment donné, et aux ordres d'une voix fatale, tout cela s'animait, prenait vie et mordait cruellement. Il y en avait de toutes les formes et de tous les temps, depuis Philippe Auguste jusqu'à Louis XVI. Il y avait les crocs avec lesquels on avait déchiré les Juifs au XIIIe siècle. Il y avait les roues avec lesquelles on avait broyé les protestants au XVIIe. Favra s'arrêta devant chaque trophée, demandant le nom de chaque instrument. Ce sang-froid finit par étonner jusqu'aux tortureurs eux-mêmes, gens qui, comme on le sait, ne s'étonnent pas facilement. « Dans quel but faites-vous toutes ces questions ?» demanda l'un d'eux à Favras. Celui-ci le regarda de cet air goguenard familier aux gentilshommes. « Monsieur, il se peut que je rencontre Satan sur la route que je vais accomplir, et je ne serai pas fâché de m'en faire un ami, en lui indiquant, pour torturer ces damnés, les machines qu'il ne connaît pas. » Le prisonnier avait justement achevé sa tournée comme 5 heures sonnaient à l'horloge du Châtelet. Il y avait 2 heures qu'il était sorti de son cachot. On l'y ramena. Il y trouva le curé de Saint-Paul qui l'attendait. On a pu voir qu'il n'avait pas perdu les 2 heures d'attente et que si quelque chose pouvait convenablement le disposer à la mort, c'était le spectacle qu'il venait de contempler. En l'apercevant, le curé lui ouvrit les bras. « Mon père, lui dit Favras, excusez-moi si je ne puis vous ouvrir que mon cœur. Ces messieurs ont mis bon ordre à ce que je ne vous ouvrisse que lui. » Et il montra ses mains garrottées derrière son dos. « Ne pouvez-vous, demanda le prêtre, pour le temps qu'il sera avec moi, délier les bras du condamné ?»« Cela n'est pas en notre pouvoir, » répondit l'huissier. « Mon père, dit Favras, demandez-leur s'il ne pourrait pas me les lier devant, au lieu de les lier derrière. Ce serait autant de fait pour le moment où j'aurais un cierge à tenir et mon jugement à lire. » Les deux aides regardèrent l'huissier, lequel fit de la tête un signe qui voulait dire qu'il n'y voyait aucun inconvénient, et la faveur demandée fut accordée au marquis. Puis on le laissa seul avec le prêtre. Ce qui se passa pendant ce tête-à-tête suprême de l'homme du monde avec l'homme de Dieu, c'est ce que nul ne sait. Devant la sainteté de la religion, Favras décela-t-il son cœur, qui était resté fermé devant la majesté de la justice. Devant les consolations que lui offrait cet autre monde dans lequel il allait entrer, ses yeux, séchés par l'ironie, se mouillèrent-ils d'une de ces larmes que son cœur avait amassées et devait avoir besoin de répandre sur les objets chéris qu'il allait laisser seul et abandonner dans ce monde qu'il quittait. C'est ce que ne purent révéler ceux qui entrèrent vers 3 heures de l'après-midi dans son cachot et qui le trouvèrent, la bouche souriante, les paupières sèches et le cœur fermé. On venait de lui annoncer qu'il était l'heure de mourir. « Messieurs, dit-il, je vous en demande pardon, mais c'est vous qui m'avez fait attendre. » Alors, comme il était déjà sans habit et sans veste, et qu'il avait les mains liées, on lui enleva ses souliers et ses bas, et on lui passa une chemise blanche par-dessus le reste de ses vêtements. Puis on lui mit sur la poitrine un écriteau portant ces mots « Conspirateur contre l'État ». À la porte du Châtelet, un tombereau entouré d'une garde nombreuse l'attendait. Il y avait dans ce tombereau une torche allumée. En apercevant le condamné, la multitude battit des mains. Depuis 6 heures du matin, le jugement était connu, et la multitude trouvait qu'il s'écoulait un temps bien long entre le jugement et le supplice. Des gens couraient les rues, réclamant des pourboires aux passants. « Et à quel propos des pourboires ?» demandaient ceux-ci. « À propos de l'exécution de M. de Favras, » répondaient ces mendiants de la mort. Favras monta d'un pas ferme dans le tombereau. Il s'assit du côté où la torche était appuyée, comprenant bien que cette torche était là à son intention. Le curé de Saint-Paul monta ensuite et s'assit à sa gauche. L'exécuteur monta le dernier et s'assit derrière lui. C'était ce même homme au regard triste et doux que nous avons vu assister dans la cour de Bicêtre à l'essai de la machine de M. Guillotin. Nous l'avons vu, nous le voyons, nous aurons l'occasion de le revoir. C'est le véritable héros de l'époque dans laquelle nous entrons. Avant de s'asseoir, le bourreau passa au cou de Favras la corde avec laquelle celui-ci devait être pendu. Il en conserva le bout dans sa main. Au moment où le tombereau se mettait en marche, il y eut un mouvement dans la foule. Favras porta naturellement son regard vers l'endroit où ce mouvement avait lieu. Il vit des gens qui se poussaient pour arriver au premier rang et être mieux placés sur son passage. Tout à coup, il tressaillit malgré lui, car au premier rang, au milieu de 5 ou 6 de ses compagnons qui venaient de faire une trouée dans la foule, il reconnut, sous le costume d'un fort de la Halle, le visiteur nocturne qui lui avait dit que jusqu'au dernier moment, il veillerait sur lui. Le condamné lui fit de la tête un signe, mais signe de reconnaissance et n'ayant pas d'autre signification. le tombereau quitta sa route et ne s'arrêta que devant Notre-Dame. La porte du milieu était ouverte et laissait voir au fond de l'église sombre le maître-autel flamboyant sous ses cierges allumés. Il y avait une telle affluence de curieux que la charrette était obligée de s'arrêter à tout instant et ne se remettait en route que lorsque la garde était parvenue à rouvrir le chemin, incessamment refermé par un flot de peuple rompant la faible digue qui lui était opposée. Là, sur cette place du parvis, à force de lutte, on parvint à opérer un vide. « Il faut descendre et faire amende honorable, monsieur, » dit l'exécuteur au condamné. Favras obéit sans répondre. Le prêtre descendit le premier, puis le condamné, puis l'exécuteur, tenant toujours le bout de la corde. Les bras étaient liés aux poignets, ce qui laissait au marquis l'exercice des mains. Dans sa main droite, on mit la torche, dans sa main gauche, le jugement. Le condamné s'avança jusque sur le parvis et s'agenouilla. Au premier rang de ceux qui l'entouraient, il reconnut ce même fort de la halle et ses compagnons qu'il avait déjà vus en sortant du Châtelet. Cette persistance parut le toucher, mais par une parole d'appel ne s'échappa de sa bouche. Un greffier du Châtelet semblait l'attendre là. « Lisez, monsieur, » lui dit-il tout haut, puis tout bas. « Monsieur le marquis, » ajouta-t-il, « vous savez que si vous voulez être sauvé, vous n'avez qu'un mot à dire. » Sans répondre, le condamné commença sa lecture. Cette lecture fut faite à haute voix, et rien dans l'accent de cette voix ne trahit la moindre émotion. Puis la lecture achevée, s'adressant à cette foule qui l'entourait. « Prêt à paraître devant Dieu, » dit le condamné, « je pardonne aux hommes qui, contre leur conscience, m'ont accusé de projets criminels. J'aimais mon roi. Je mourrai fidèle à ce sentiment. C'est un exemple que je donne et qui, je l'espère, sera suivi par quelque noble cœur. Le peuple demande ma mort à grands cris. Il lui faut une victime, soit. J'aime mieux que le choix de la fatalité tombe sur moi, que sur quelque autre au cœur faible, que la présence d'un supplice non mérité jetterait dans le désespoir. Donc, si je n'ai point autre chose à faire ici que ce qui vient d'être fait, continuons notre route, messieurs. » On continua la route. Il n'y avait pas loin du porche de Notre-Dame à la place de Grève, et cependant, le tombereau mit une bonne heure à faire ce chemin. En arrivant sur la place, « Messieurs, » demanda Favras, « ne pourrais-je pas monter quelques instants à l'hôtel de ville ? Avez-vous des révélations à faire, mon fils ? » demanda vivement le prêtre. « Non, mon père. »« Mais j'ai mon testament de mort à dicter. J'ai entendu dire qu'on ne refusait jamais à un condamné pris à l'improviste cette dernière grâce de faire son testament de mort. » Le tombereau, au lieu de marcher droit au gibet, se dirigea vers l'hôtel de ville. Une grande clameur s'éleva dans le peuple. « Il va faire des révélations ! Il va faire des révélations » s'écriait-on de tous côtés. À ce cri, on eût pu voir pâlir un beau jeune homme vêtu tout de noir comme un abbé qui se tenait debout sur une borne au coin du quai Pelletier. « Oh ! Ne craignez rien, monsieur le comte Louis !» dit près de lui une voix railleuse. « Le condamné ne dira pas un mot de ce qui s'est passé place royale. » Le jeune homme vêtu de noir se retourna vivement. Les paroles qui venaient de lui être adressées avaient été dites par un fort de la halle, dont il ne put pas voir la figure, attendu qu'en achevant la phrase, il avait abaissé sur ses yeux son large chapeau. D'ailleurs, s'il restait quelque doute au beau jeune homme, ce doute fut bientôt dissipé. Arrivé au haut du perron de l'hôtel de ville, Favras fit signe qu'il voulait parler. À l'instant même, les rumeurs s'éteignirent, comme si la bouffée de vent d'ouest qui passait en ce moment les eût emportées avec elle. « Messieurs, » dit Favras, « j'entends répéter autour de moi que je monte à l'hôtel de ville pour faire des révélations. Il n'en est rien. Et dans le cas où il y aurait parmi vous, comme c'est possible, un homme qui eut quelque chose à craindre, si des révélations étaient faites, qu'il se tranquillise. Je monte à l'hôtel de ville pour dicter mon testament de mort. » Et il s'engagea d'un pas ferme, sous la voûte sombre, monta l'escalier, entra dans la chambre où le conduisaient d'habitude les condamnés et que l'on appelait à cause de cela la chambre des révélations. Là, trois hommes vêtus de noir attendaient, et parmi ces trois hommes, M. de Favras reconnut le greffier qui lui avait parlé sur le parvis de Notre-Dame. Alors, le condamné, qui les mains liées ne pouvait écrire, se mit à dicter son testament de mort. On a beaucoup parlé du testament de Louis XVI parce qu'on parle beaucoup du testament des rois. Nous avons le testament de M. de Favras sous les yeux et nous dirons cette seule chose au public, lisez et comparez. Le testament dicté, M. de Favras demanda à le lire et à le signer. On lui délia les mains. Il lut le testament, corrigea trois fautes d'orthographe qu'avait faites le greffier et signa au bas de chaque page Maï de Favras. Après quoi, il tendit ses mains afin qu'on les lui lia de nouveau, opération dont s'acquitta le bourreau qui ne s'était pas éloigné de lui un seul instant. Cependant, la dictée de ce testament avait pris plus de 2 heures. Le peuple qui attendait depuis le matin s'impatientait fort. Il y avait là beaucoup de braves gens qui étaient venus l'estomac vide, comptant déjeuner après l'exécution et qui étaient encore à jeun. De sorte que l'on murmurait de ce murmure menaçant et terrible qu'on avait déjà entendu sur la même place le jour de l'assassinat de Delaunay, de la pendaison de Foulon et de l'éventrement de Berthier. D'ailleurs, le peuple commençait à croire qu'on avait fait évader Favras par quelque porte de derrière. Dans cette conjoncture, quelques-uns proposaient déjà de pendre les municipaux à la place de Favras et de démolir l'hôtel de ville. Heureusement, vers 9 heures du soir, le condamné reparut. On avait distribué les torches aux soldats qui faisaient la haie. On avait illuminé toutes les fenêtres de la place. Le gibet seul était resté dans une mystérieuse et terrible obscurité. L'apparition du condamné fut saluée par un cri unanime et par un grand mouvement qui se fit parmi les 50 000 personnes qui encombraient la place. Cette fois, on était bien sûr non seulement qu'il ne s'était pas échappé, mais encore qu'il ne s'échapperait pas. Favras jeta les yeux autour de lui. Puis se parlant à lui-même avec ce sourire ironique qui lui était particulier. « Pas un carrosse, » murmura-t-il. « Ah, la noblesse est oublieuse. Elle a été plus polie pour le comte de Horn que pour moi. » C'est que le comte de Horn était un assassin et que toi tu es un martyr, répondit une voix. Favras se retourna et reconnut le fort de la halle qu'il avait déjà rencontré 2 fois sur son chemin. Adieu, monsieur, lui dit Favras. J'espère qu'au besoin vous rendrez témoignage pour moi. Et d'un pas ferme, il descendit le degré et marcha vers l'échafaud. Au moment où il posait le pied sur le premier échelon de la potence, une voix cria saute, marquis! La voix grave et sonore du condamné répondit « Citoyen, je meurs innocent. Priez Dieu pour moi. » Au 4e échelon, il s'arrêta encore, et d'un ton aussi ferme et aussi élevé que la première fois « Citoyen, je vous demande le secours de vos prières. Je meurs innocent. » Au 8e échelon, c'est-à-dire à celui d'où il devait être précipité « Citoyen, redit-il pour la 3e fois, je meurs innocent. Priez Dieu pour moi. » Mais, lui dit un des 2 aides du bureau qui montait l'échelle près de lui, « Vous ne voulez donc pas être sauvé ?»« Merci, mon ami, » dit Favras, « Dieu vous paye de vos bonnes intentions. » Puis, levant la tête vers le bureau qui semblait attendre des ordres, au lieu d'en donner, « Faites votre devoir, » dit-il. À peine avait-il prononcé ces mots, que le bureau le poussa et que son corps se balança dans le vide. Pendant qu'un immense mouvement se produisait à cette vue sur la place de Grève, tandis que quelques amateurs battaient des mains et criaient « bis », comme ils eussent fait après un couplet de vaudeville ou un grand air d'opéra, le jeune homme vêtu de noir se laissait glisser de la borne sur laquelle il était monté, fendait la foule et au coin du pont neuf, montait vivement dans une voiture sans livrée et sans armoirie en criant au cocher « au Luxembourg et à fond de train !» La voiture partit au galop. 3 hommes, en effet, attendaient avec grande impatience l'arrivée de cette voiture. Ces 3 hommes étaient M. le comte de Provence et 2 de ces gentilshommes que nous avons nommés déjà dans le courant de cette histoire, mais que nous croyons inutile de nommer ici. Ils attendaient avec une impatience d'autant plus grande qu'ils devaient se mettre à table à 2 heures, et que dans leur inquiétude, ils ne s'y étaient pas mis. De son côté, le cuisinier était au désespoir. C'était le 3e dîner qu'il recommençait, et ce dîner, à point dans 10 minutes, allait se détériorer dans 1/4 d'heure. On en était donc à ce moment suprême, quand on entendit, enfin, le roulement d'une voiture dans l'intérieur des cours. Le comte de Provence se précipita vers la fenêtre. mais il ne put voir qu'une ombre sautant du dernier degré du marchepied de la voiture sur le premier degré des marches du palais. En conséquence, il quitta la fenêtre et courut du côté de la porte. Mais avant que, dans sa marche toujours un peu gênée, le futur roi de France l'eût atteinte, cette porte s'ouvrit et donna passage au jeune homme vêtu de noir. « Monseigneur, dit-il, tout est fini. Monsieur de Favras est mort sans prononcer une parole. Alors nous pouvons tranquillement nous mettre à table, mon cher Louis ? Oui, monseigneur. C'était par ma foi un digne gentilhomme que celui-là. Je suis de votre avis, mon cher, dit son Altesse royale. Aussi nous boirons au dessert un verre de Constance à sa santé. À table, messieurs. » En ce moment, la porte s'ouvrit à deux battants, et les illustres convives passèrent du salon dans la salle à manger.